Venez tous à mon château. Déchirer, déchirer, découper, dévorer. Petit crapaud à mon beau château, qui veut de ma salse pareille? Un peu de cervelle de coccinelle. Une béchamel de sauterelle qu'on écartèle. Tout ça ne vaut pas un schtroumpf découpé en rondelles. Château. Ciel, Gargamel.